Cartographie des mémoires à Hendaye. Bonjour et bienvenue au Jonco à Hendaye. Tu te trouves dans le quartier où j'ai grandi. Tu es devant le centre social d'Enensat et à ta gauche, tu verras mon ancienne école. Tu le sais, c'est une promenade. Ça veut dire que je vais te donner des indications sur le chemin. Alors là, normalement, en face de toi... Parfois, tu vas entendre mes pas. Ça veut dire que tu dois marcher. Tu es prêt ? Alors, bienvenue dans cette histoire. Installe-toi confortablement. On va commencer. J'ai passé mon enfance entre cette rue et un appartement au troisième étage, pas très loin du centre social. On passera devant tout à l'heure. Ici, j'ai appris à faire du vélo, des couronnes de fleurs avec les marguerites qui poussaient au pied des immeubles et à reconnaître l'est de l'ouest à la façon dont le soleil faisait avancer les ombres des maisons. Ce quartier, pour moi, a été un lieu enchanté. Pendant les vacances, j'avais la certitude que la vie ressemblerait toujours à ça et que mon quotidien s'organiserait autour de mes amis et de ce quartier. Naya et moi avons grandi ici. Et comme il arrive avec les contraires, elle et moi, nous nous complétions parfaitement. J'étais anxieuse et réservée, elle était joyeuse et curieuse. Il y a quelque temps, Naya est revenue à Hendaye. Elle aussi revenait pour l'anniversaire, mais je t'en parlerai plus tard. Seulement voilà, entre son départ et son retour, elle avait laissé passer plus de 10 ans. Elle avait garé sa voiture sur le parking que tu vois à ta gauche, et en sortant, avant de reparcourir ses rues, elle s'était demandé « Qu'est-ce qui sera encore là ? Qu'est-ce qui ne sera plus ? Et qu'est-ce que j'aurais tout bonnement oublié ?» Se rendre devant l'immeuble où elle avait grandi était trop difficile pour elle, alors elle a bifurqué et est partie marcher sur les rives de la Bidassoa. Nous aussi, on va commencer à marcher. Tu vas traverser le passage piéton pour te rendre sur la promenade. À ta gauche, tu vas voir le terrain de skate, et en face de toi, il y a un banc pour s'asseoir et juste à côté, un arbre à plusieurs troncs. Tu peux aller te placer près de l'arbre ou bien t'asseoir. Au départ, ici, il n'y avait rien, juste de l'étendue, un espace infiniment grand. À une époque sans doute trop lointaine pour qu'aucun d'entre nous en ait gardé le souvenir, ici, il n'y avait rien. Les joncos étaient des marécages. Et puis, il y a eu un jardin que les habitants des environs ont commencé à cultiver. Il y avait des petites barques de contrebande qui avançaient à la nuit tombée à travers les canaux de ces marécages. Il y a des gens qui ont pêché les pivales à la lampe torche. Des enfants qui se sont baignés dans ces eaux. Et un jour, on a asséché les marécages, des maisons et des immeubles ont été construits. Ce qui reste inchangé du paysage face à toi, c'est la rivière. Du plus loin que je me souvienne, dès que le temps le permettait, j'étais dehors à explorer les environs. Je suivais les tapis de mousse qui poussaient sur le versant nord des arbres. Je plongeais dans la Bidassoa en comptant les secondes que je passais sous l'eau. Je chassais les insectes et pêchais de petits poissons pour les rendre aussi vite à la rivière. Et j'essayais d'atteindre l'île des faisans en lançant des cailloux. La Bidassoa a été pour moi l'endroit des découvertes autant que des cachettes. Moi qui aimais parfois me rendre invisible tout en restant à portée de voix de mes amis. Naya avait quitté Hendaye en faisant le serment de ne jamais y revenir. Elle avait emporté avec elle ce qu'elle avait cultivé durant toutes ces années, l'évitement du passé qui était enfoui en elle comme la racine profonde de l'arbre qui se trouve à tes côtés. Pour revenir au Jonco, elle était passée devant les lieux qui avaient marqué notre enfance. La plage, le centre, la gare. Et je crois que j'étais la seule personne qui pouvait la ramener à cette ville où chaque coin de rue ravivait le souvenir d'un événement qu'elle avait voulu oublier. On va commencer à marcher. Alors, tu vas avancer en gardant le skatepark derrière toi. On y va ? À Hendaye, l'arrivée des cheminots de la douane et des usines va conduire à une profonde modification des structures de la région. Et comment héberger rapidement des centaines d'ouvriers et leurs familles ? Il est alors décidé de créer un quartier entier sur des terrains marécageux. Je ne sais pas si tu entends les oiseaux. Ils sont présents partout. Depuis toujours, l'ornithomancie ou science divinatoire et prophétique des oiseaux déterminait chez tous les peuples d'importantes décisions. En France, d'après le vol d'un groupe de corbeaux, on établit l'emplacement de la ville de Lyon. Celui de Rome fut inspiré à Rémus et Romulus par le vol d'un aigle. Je me demande quel oiseau a inspiré l'implantation des joncos. Alors là, normalement, en face de toi, il y a deux bancs, et à ta droite, il y a une maison. C'est le numéro 78. Bon, bah nous, on va pas s'arrêter maintenant, et on va continuer. Quelques mois avant l'événement, je rêvais fréquemment d'un oiseau. J'avais même parfois l'impression de l'apercevoir dans mon champ de vision, mais dès que je resserrais mon attention, il disparaissait. J'en avais parlé à Naya et Zoé, et elles avaient rigolé en me conseillant d'arrêter de trop réfléchir. Ça arrive à tout le monde de faire des cauchemars. Les rêves, tu sais, c'est pas dangereux. Et tu vas voir à gauche, il y a une petite pente, et tu peux descendre pour être tout près de l'eau. Vas-y. Le cours du temps avance inexorablement comme le courant de la Bidassoa, parfois trouble, parfois clair, et en charriant son lot de souvenirs et de présages. Malgré tout, il faut aimer la rivière plus qu'on ne la craint. Il faut tellement l'aimer qu'on est prêt à continuer. Et la vie d'une personne ? Comment la cartographier ? Les frontières que les gens érigent entre eux ? Les cicatrices laissées sur la paroi du cœur. L'événement souvent se décide et naît à notre insu. Déjà quand il arrive, c'est qu'il a eu lieu. Le présent n'existe pas, il est déjà passé et advenu. Nous ne pouvons ni le revoir, ni le regarder, car le temps nous entraîne au rythme de l'eau de la rivière, déjà loin de lui. Il ne reste que le choc de son apparition, de sa venue, de son entrée dans le visible. Naya n'avait pas conscience que l'événement était déjà présent le jour où elle m'a appelée. J'aimerais dire à Naya que si l'on veut percevoir une matière qui ne projette aucune ombre, ce n'est pas sa présence qu'il faut guetter, mais les effets de cette présence. Il faut regarder attentivement les ombres, comme celles de la rivière. Elles ne sont jamais complètement noires. Elles contiennent aussi des nuances de couleurs. Et si tu restes fidèle à cette pensée, alors tu trouveras toujours un peu de couleur dans les ombres. Après l'événement, Naya était partie très vite. Elle s'était embarquée sur son bateau pour un voyage qui avait duré près de 10 ans. Zoé, elle lui en avait beaucoup voulu d'être partie. Et c'était bizarre de penser que, tant d'années après, elles étaient là toutes les deux pour venir me voir. On va recommencer à marcher. Thank you. Alors tu vas voir à ta droite, près du prochain lampadaire, tu vas pouvoir couper pour aller sur l'herbe en face de toi. Et tu vas avancer au milieu des arbres, en marchant tranquillement. Tu vas voir au sol, il y a des bouches d'égout. Ça c'est pour te rappeler que cette zone est inondable. Une forêt, c'est bien plus que quelques arbres qui poussent côte à côte. C'est un vaste système complexe et connecté. La capacité d'adaptation des arbres n'est plus à démontrer. De même que la mémoire que possèdent les plantes ou la stratégie de défense qu'ils sont capables de mettre en place pour se protéger les uns les autres. Les arbres vivent en famille, soignent ceux qui sont malades et se préviennent des dangers via une sorte de réseau social basé sur la communication fongique. Le hêtre, par exemple, est capable de reconnaître à ses racines celui qui porte son ADN. Un arbre n'est pas une forêt. Il ne peut à lui seul créer des conditions climatiques équilibrées. Il est livré sans défense au vent et à la pluie. À plusieurs, en revanche, les arbres forment un écosystème qui modère les températures extrêmes, froides ou chaudes, emmagasine de grandes quantités d'eau et augmente l'humidité atmosphérique. Dans un tel environnement, les arbres peuvent vivre en sécurité et connaître une grande longévité. Pour maintenir cet idéal, la communauté doit à tout prix perdurer. Si chaque individu ne s'occupait que de lui-même, nombre d'entre eux n'atteindraient jamais un grand âge. Une forêt, tu vois, c'est une communauté, et la mienne est liée à ce quartier. Alors, en face de toi, tu vas voir, il y a un petit chemin de goudron qui passe entre deux maisons et qui va sur ta droite. Vas-y. En sortant de ce passage, tu vas voir à ta droite des voitures garées devant des maisons et un arrêt de bus de l'autre côté de la rue. Alors toi, tu vas aller à droite de manière à retourner vers le centre social. Tu vois la maison sur ta droite, Nevada. En haut de la croix des bouquets, il y avait l'usine Nevada où l'on fabriquait des sandales. Et Monsieur Gorochategui, qui habitait cette maison avant, était contremaître de l'usine. Au Pays Basque, c'est la maison qui donne son nom au nouvel arrivant. Au Jonco, c'est un peu différent. Il arrive que ce soit le nouvel arrivant qui donne son nom à la maison. Passage piéton en face de toi, il y a un immeuble blanc avec des fenêtres ovales. Tu vas couper par l'herbe et longer cet immeuble de façon à te rapprocher du grand parking que tu aperçois en face de toi. Un lieu précis est l'objet de l'investissement affectif majeur, la maison, celle que l'on construit. Tout le voisinage a vieilli sur le même rythme. Les voisins étaient des amis de toute une vie. Certains étaient partis, puis revenus, D'autres étaient restés, mais tous se retrouvaient à marcher sur le trottoir, sur les conseils de leur médecin, à faire plusieurs fois le tour du pâté de l'immeuble. À s'arrêter pour un brin de causette, mais sans jamais trop s'éloigner de chez eux. La première fois que Zoé est venue au Janco, elle avait regardé ces immeubles et demandé « Mais comment tu peux vivre dans ces cages à poules ?»« Dans ces cages à poules, lui avais-je répondu, il y a Janine, Dominique, Manon et Pierre. » Alors normalement, ça y est, tu es sur le parking. Tu vas longer à ta droite les maisons pour aller à l'entrée de l'immeuble que tu vois juste en face de toi. L'histoire du quartier, tu vois, elle se devine aussi grâce au nom des personnes qui y habitent. La Bourdette, Garcia, Varela, Larsabal, Lopez, Agnellotti. On ne pense jamais tout seul, on pense avec les autres, les morts et les vivants. Naya ne croyait pas aux fantômes, mais quelque part en elle, il y avait une trace de ses parents, des gens du quartier et de ses grands-parents. Il lui avait laissé des pierres avec lesquelles construire ses fondations. Il a fallu à Naya du temps pour le comprendre. La vie va de l'avant, mais ne se comprend qu'en regardant en arrière. Tu ne peux pas voir le paysage qui t'entoure tant que tu es à l'intérieur. Sur la carte, les joncos ont la forme d'un cœur humain imprimé sur le paysage. Naya avait passé presque 10 ans à l'esquiver, sans savoir que chaque distance parcourue la reprochait inlassablement d'andaille. Qu'est-ce qui fait l'attachement à un lieu et à des gens ? Par quel procédé beau et compliqué l'amour que l'on éprouve pour des gens se confond avec l'amour que l'on éprouve pour des lieux ? De quoi a été fait ce sentiment d'appartenance que les gens des Joncos tenaient tant à nous transmettre ? Si nos souvenirs s'ancrent dans ces lieux, alors l'amour aussi s'ancre dans ces paysages. C'est ce que Naya ressent en se promenant dans ce quartier pour y redécouvrir les souvenirs qui nous lient à cet endroit. Et je sais ce qu'elle éprouve devant cet immeuble, à regarder d'autres immeubles somme toute assez laids. Un attachement si fort et si tenace qu'il est probablement fait du même béton. Tu viens d'écouter un des 5 épisodes de Cartographie des mémoires à Handaï et je t'en remercie. Si tu souhaites en découvrir un peu plus sur Handaï et cette histoire, je t'invite à aller écouter les autres épisodes. Ils se déroulent dans 5 quartiers différents d'Handaï et tu peux les écouter dans l'ordre de ton choix. À bientôt peut-être.